بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أسألك عن الكلمة. طيب ما الأضحى؟ عيد الأضحى. عيد الأضحى شو حكم الفجر؟ دوزي ما عيدكم؟ نعم مفتسي المستطيع سلكي كباب سلكي بو تعلق يتعلق سقوش كمان دي لبلغة حجاج كمان دي سفيف لتراس دو سفاس دار سفاس إلا في نعم نحن نحن نحن كمان نعرف أفعل لغيد حج ذكر القصة بإبراهيم عليه السلام دونك on suit les traces ouais la trace là iqtada yaqtadi un rêve manam manam on peut dire également ru'ya ma ma'na fada yafdi c'est donner en échange comme une rançon comment on dit faire l'aumône on dit donner en aumône d'accord ثم كنا ماذا الواحد الخامس كذا لما اذكر خامس والسابع صح خامس سي استعمال الكلمات السابع سي ترتيب الجمل تفضل يقف بعرفات هذا بالكم سينو اه وي صح نعم عفوا طيب متى سيستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك؟ عسي متى لك السؤال؟ نعم إيش فهمت أنت؟ كيف؟ أوين أو كيف سأفهمك؟ متى يستقبلون المسلمون؟ بعد اليوم العيد بقى ال 10 من ذي الحجة العاشر من ذي الحجة كيف يستقبل المسلمون هذا العيد؟ سهل جدا. ها؟ يستقبلون المسلمين. المسلمون. المسلمون. يستقبل المسلمون. العيد. العيد. العيد. العيد. بسرور. نعم بسرور والفرح. أيوة. نعم. ماذا لاحظ جون؟ لاحظ لاحظ أن عيد أن عيد. أن عدد أن عدد المصلين في عيد الأضحى أضحى الأول عيد الأضحى أقل من عدد المصلين في عيد الفطر كيف يوزع الحجاج لحم الأضحية يوزع اللحم لكل واحد بصدقة ذكر يأكلون منها ويوزعون الفقراء المساكين ويهدونها إلى أصدقائهم ما الرؤيا التي يراها خليل الله إبراهيم يعني المنام جميل في هذه الرؤيا يأمر الله فيها بأن يذبح ابنه نعم ماذا قال إبراهيم لابنه إسماعيل عندما رأى الرؤيا؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ لماذا أجابه إسماعيل؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. تجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب نرجع إلى الخامس. يقف بعرفات. يقف أحمد على جبال بعرفات. مش بس عصا. Vu qu'il y avait le bi, على الجبال جميع بعرفات. Pourquoi tu savais pas? Ça veut rien dire ça. Qui? ذبح شاه. C'est quoi? Est-ce que c'est un chat? Capuche. Ça peut être une brebis, ça peut être le nom de l'animal aussi. Ok, bah c'est bon. ذبح محمد شاتا. قلت الأمطار. avec la casserole. La casserole est là pour le tika sakinein. Elle est pourquoi? Parce que juste après il doit venir justement un mot qui est commence par le sakin comme elle. La casserole là elle est rarida, elle n'est pas asliya. C'est pas, je dois pas mettre fidou. Là-bas c'est une sukun. Elle a été mise là parce qu'il y a une lettre sakin qui va venir derrière. Donc c'est facile là. Qallati, je peux commencer comme ça? Ça se peut de commencer par qallati al-amtar fi hadha al-shahr. Ah oui. Qallati al-amtar. Ah, je pensais qu'il fallait mettre un harf de jar avant. Là, la merde. قلت الأمطار في هذا الشهر. دعا خاشعا. دعا الرجل خاشعا. دعا الرجل ربه خاشعا. نعم. صبر أصابه. صبر المؤمن على ما أصابه. نعم. الأضاحي المستطيع. واجب الأضاحي الأضاحي هو celui qui sacrifie. مستطيع ها؟ c'est celui qui sacrifie الأضاحي. لا c'est le genre de c'est l'adahi, ce que t'es gauche. Le jam c'est adhiya. Adahi. Les sacrifiés quoi, les bêtes sacrifiées. الأضاحي يصطحب المستطيع جدا. C'est très recommandé pour le مستطيع. Celui qui peut. Bien qu'il y a خلاف, il y en a qui disent que c'est واجب. هكذا. Le سابع. ترتب الجمل. قرب وقت أداء فريضة الحج. فسافر بعض الناس لأداء الفريضة والذي لم يسافر الحج صلوا صلاة العيد في قراهم ومدنهم وبعد الصلاة رجعوا إلى منازلهم فذبح كل منهم أضحيته وأكل وتصدق على الفقراء والمساكين. أحسنت. طيب نواصل ندخل في الدرس 21. الرياضة البدنية يعني les exercices physiques sportifs. Là, on dira plus l'exercice physique, mais qu'un riordan, ça s'applique pour le sport. Mais également pour les maths. C'est l'exercice. Attends, le baden, là où le jism. Là où le jism. D'accord. Non. Là, l'axe est au contraire. Et taharruk, c'est le fait de faire des mouvements, de bouger. Thiqal, c'est lourdeur. Salim, manas sahih, un saint, quelqu'un qui n'est pas malade. El fahs, ça c'est quoi le fahs? Un examen. Non? Non, mais là ce serait plutôt un test, quoi. Une analyse ou une auscultation. Makada. Alaqa, c'est un lien. Mumarasa, c'est la pratique. Wan nuhud, je crois que c'est. J'ai oublié. S'asseoir. Se relever. Se relever pour s'asseoir ou pour être debout, ça je sais pas. طيب عندنا سليمان واسماعيل سأقرأ المقدمة وسليمان ومتى اسماعيل قال لاحظ سليمان أن زميله اسماعيل لم يكن من السرير مع أنه أيقظه قبل نصف الساعة donc سليمان a constaté que son camarade اسماعيل ne s'est pas levé du lit alors qu'il l'a réveillé avant une demi-heure il est une demi-heure فقرب منه ودار بينهما الحوار التالي donc il s'approchait de lui et s'est produit entre eux cette conversation يبدو لي أنك نمت متأخرا ليلة أمس il a dit il m'apparaît que tu t'es couché tardivement la nuit d'hier على العكس لقد نمت مبكرا il dit bien au contraire j'ai dormi tôt je me suis couché tôt هل أنت مريض؟ هل تشكو من شيء؟ Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu te plains de quelque chose? C'est-à-dire tu ressens quelque douleur ou quelque chose? لا لست مريضا. إنني أشعر بالتعب ولا أستطيع التحرك. Il dit non, je ne suis pas malade, mais je ressens de la fatigue. Je ne peux bouger. Faire de mouvement. أمرك عجيب يا أخي. لا تشكو من مرض من المرض ومع هذا لا تستطيع التحرك هل تشعر بثقل في جسمك dit surprenant ton affaire tu ne te plains pas de maladie et avec cela tu ne peux bouger est-ce que tu ressens une lourdeur dans ton corps نعم وبعد الفحص فحص نعم وبعد الفحص الطبي أكد لي الطبيب أنني سليم. Donc il dit oui. Et après avoir fait une analyse médicale, le médecin m'a confirmé que je suis en bonne santé. هل تمارس الرياضة؟ Est-ce que tu pratiques du sport? Exercice. وما علاقة الرياضة بما أشعر به؟ C'est quoi le rapport ou le lien avec le رياضة, avec le sport, avec ce que je ressens? Dit inna ma tashku minhu sababu adam mumarasati riyada. La chose dont le mal que tu ressens, sa cause c'est le fait que tu ne fasses pas d'exercice physique. Pratique pas le sport. Idan sa'idni ala an-nuhud li asma hadithaka jayidan. Il dit donc aide-moi à me relever pour que j'écoute correctement ta parole. Hayya hat yadak ou yadaik. Il dit allez, donne-moi tes mains. Hat, c'est un ism fi'l pour dire donne. Wa hayya, on a déjà expliqué, ism fi'l pour ism fi'l. Yani is'a comme dans hayya 'ala as-salat, à courir à la salat, hayya c'est allez. Dans le calame de courant, c'est comme ça. طيب الأسئلة يقول ماذا لاحظ سليمان كاسكو سليمان ا مستاتي اتركز avec moi j'ai un mot que qui t'échappe ماذا قال سليمان لاسماعيل كاسكو سليمان ا دي اسماعيل هل نام اسماعيل متاخرا كاسكو اسماعيل سي كوشي تار بما شعر اسماعيل كاسكو ressent اسماعيل كيف عرف اسماعيل انه سليم comment est-ce que اسماعيل a su qu'il était en bonne santé مما يشكو اسماعيل de quoi se plaint اسماعيل لماذا لا يستطيع إسماعيل التحرك؟ Pourquoi est-ce que إسماعيل ne peut bouger؟ الثاني يعني إملاء الفراغات يعني تجعل الكلمات في الفراغ عندنا يبدو apparaître النحود يعني le fait de se relever يثقل c'est alourdir السليم معروف 5 bonne santé بدنه son corps للفحص pour l'analyse متأخرة tardivement يمارس il pratique الجملة الأولى يجب على كل إنسان أن الرياضة يومية obligatoire à chaque personne de l'exercice quotidiennement يمارس أن يمارس أما هذا الكل يجب ça في نظر c'est pas واجب celui qui fait pas de sport on va pas dire que c'est واجب sur lui on va dire que يستحب Et Yomien, pareil, c'est pas la peine. Il y a des gens, ils ont du rouleau dans le sport. Mais, des fois, Riyadhiyat, ça peut être plus que le fait de sport en soi, c'est, on va dire, le fait de marcher, voilà, de faire bouger son corps, un minimum. Non. Amma Maslan joue au football, faire un basketball ou un truc comme ça, ça ne rentre pas là-dedans. C'est pas ça qu'ils veulent dire par là. Ça donne des gens qui ont des travaux. Leur travail, c'est. Même celui qui cultive les champs, il a des harakats. T'as des gens qui ont des travaux comme je sais pas un bûcheron ou un pêcheur, مثلاً. نعم. يهتم الإنسان بالمحافظة على صحة que l'insan prend soin de la préservation de la santé de. Ils sont trompés. Ça serait Badani. En c'est fait. Ils ont Vénéra. Mm-hmm. Ah non, c'est celui-là. Yannick Nissani prend soin de son corps. Thalithan, عندما نشعر بألم نذهب إلى الطبيب. Parce que nous ressentons une douleur, nous allons au tabib. Li, الفحص. Nam. Pour l'auscultation. Analyse. Rabian. اولا تدعو الله تاخذ الاسباب الشرعيه ثم ما سي ديبون لا دولور دي فورت دولور سور لو جان نعم سي ترو انسوتنابل او كو رابعا ان هذا اليوم سيكون حرا كو سجور لا سورا شو يبدو وصل سالم عن الموعد ك سالم est arrivé au rendez-vous متاخرا نعم en retard. العقل في الجسم السليم. La raison dans le corps sain. Je crois il manque un mot. Hein. Ouais, il manque. Ça peut pas être trop, il y a crack. Il manque un mot, ouais. Oh, l'arbre salim, non, il y a le salim. L'arbre salim. Eh ouais, non, je l'ai pas vu celui-là. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, comme ils disent. Sabiran, jismu l'insan kullama kala kathiran wa lam yumaris al-riyada. Le corps de la personne, à chaque fois qu'il mange beaucoup et qu'il ne pratique pas l'exercice. Yathqal. Yathqal. Yathqal. Non. فامينان ساعدني على من فراشي إنني متعب أدموا de mon lit car je suis fatigué. النهود. طيب أنا نعم. الثالث كما في النموذج عندنا بين قوسين المرض وبعض التحرك أصبح لا لست مريضة ولكني لا أستطيع التحرك. Il dit non, je ne suis pas malade, cependant je ne peux bouger. préparer avec les mots d'après. Al-khawf, as-sibaha, la peur et la nage. Ok. La, lestu khawfan? La. L'ism fa'il c'est khaif. Ah oui. La, lestu khaif? Walakinnani. Khaifan. La, lestu khaifan? Walakinnani la astati'u si. As-sibaha. Non, je n'ai pas peur, mais cependant, je ne connais pas la nage. Je ne sais pas nager. Alam al-nuhud. La, lestu alim. C'est ça? Aliman. Ah, franchement. Marie de Pierre. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. J'ai pas de douleur. J'ai pas de la douleur. Normalement, c'est muta'allim, celui qui a mal. Oui, Laissa. Bon, peut-être ce serait plus. Laissa l'alam. Plutôt, naam. Avec l'estou, je suis pas obligé de mettre l'estou. Là, là ça ne concerne pas la personne. C'est là, laissa l'alam. Voilà, kinnaha, du coup. ولكنني ولكنني كان اوكي لا ليس الالم ولكنني لا استطيع النهوض نعم الاسراء التجوال يعني faire vite تجوال c'est le fait de se promener لا لست مسرعا ولكنني لا استطيع التجوال tu peux dire ولكنني ou tu peux dire لكنني كما هو مكتوب هنا ah oui ولكن التاخر الجري لا لست متأخرا ولكني لا أستطيع الجري الجري je suis pas en retard mais je ne peux pas courir طيب عربية كذلك استخدم أسلوب على العكس مع كلمات تالية كما في مثال c'est-à-dire tu utilises l'expression bien au contraire, avec les termes cités en dessous. Indana, mathalan, al-naum, taqul laqad nimtu mubakkiran ala al-aks ma tadhun, ou ma yadhun. Je me suis couché tôt, contrairement à ce qu'il pense. On dirait comme ça. Contrairement à, maintenant, là, dans le contexte en français. Voyez, al-zahab. Laqad zahabtu mubakkiran ala al-aks ma yadhun. Naam. Al-rujur. Laqad raja'tu. لقد رجعت مبكرا على عكس على عكسي ما يظن المغادرة لقد غادرت لقد غادرت مبكرا يعني جي يعني شو بعدي كيتي تو كو لقد غلق لقد غادرت مبكرا على عكسي ما يظن طيب خلص خليها لا سهل دي خوفها سوفي الخامس يبدو لي أنك حججت هذا العام لما بارك شو في الحج ستاني حول الجملة التالية إلى الضمائر الآتية دونك لا سي ترانسفورم لي فراز لا فراز لا en mettant les ضمائر qui sont en dessous أولا هي alors حولت c'est pas ça attends je sais pas bien c'est là où il y a un domaine qu'il faut changer. C'est la phrase que tu l'as hawili. Ah non, non, c'est la phrase. Yabdou li annaka hajajta hada al'am. Tout ce qui concerne le ant, tu le transformes par les domaines qui sont en dessous. Tu veux que je l'ai passé. Yabdou laha. La. Tabdou laha. La. Le domaine qu'il faut changer, c'est celui à qui tu parles. Ou de qui tu parles. Ah ouais. Yabdou li. Aïe, ouais. Innaha. Annaha. Naam. Hajajaha. La. Hajajaha. حجت ah oui, c'est un verbe. حجت حجت حجت بس حجت le verbe c'est حج يا حج حجت فهمت tu dis حجت elle a écrit حججت parce qu'il y a eu une secoune donc il a fallu séparer entre les deux Jim sinon quand il n'y a pas tu laisses حجت حجت هذا العام نعم هو يبدو لي أنه حجه حجة أيوة حجة هذا العام نعم أنت يبدو لي أنك حججتي نعم هذا العام أنتما مذكر يبدو لي أنكما حججت Hajjaja. Hajjaj Kuma. Là. Hajjaj Kuma. Là. C'est le même que Tess, donc tu ajoutes celui de Domir. Hajjahuma. Là. C'est le même que. Anta ou Antuma, c'est pareil, sauf que Antuma, tu ajoutes Uma à la fin. Ok. Yabdouli. Aïwa. Anna Kuma. Naam. Hajjajtahuma. Là. Kuma. Pourquoi tu mets un ha? Hajjajtahuma. Pourquoi il y a un ha? Il n'y a pas de ha? C'est Antuma. Hajjaj. Hajjaj. Ajajtouma. Ajajtouma. Bah ouais. Pourquoi tu te calèves 9 sacs? Je sais pas pourquoi j'ai dit Kouma moi. Yabdouli, enne Kouma, Ajajtouma. Ajajtouma. Hadalam. Aïe va. Kouma, c'est lorsque tu parles à quelqu'un. Mkhatab, c'est pas dans un verbe. C'est Mathalet Akoul Adabeit ou Kouma. Ah ouais. Aïe va. Houma Mouannaf. Deux femmes. Ra'im. Yabdouli, enne ha. Là. Huma. Ah oui. Anna si tu le trouves celui-là, alors là, t'as un battle. Attends, je vais essayer de le trouver. Yabdouli Annahuma Hajjaj. Attends. Hajjaj Tuma. Là. Hajjaj Huma. Là. Hajjaj Tahuma. Je pense pas que tu vas le trouver celui-là. Ma avon anna castagido. Allah, la يبدو لي أنهما حجتا هذا العام. À la base, quand c'est hier, comment tu dis? حجت. On a dit ça? Ouais. Là, tu rajoutes le alif et l'isnaïn. حجتا. Qui revient à هما. Et les deux, L2. Ah ouais. Ça aurait été deux autres, ça aurait été يبدو لي أنهما حجا. Ok. أنتم. يبدو لي انكم حجك حجتم لا c'est le même que ta le مخاطب tous les mêmes انت انتي انتما انتم c'est le même le début c'est jusqu'à la fin tu rajoutes ce qu'il y a dans le damir qui est moins facile يبدو لي انكم c'est jusqu'à là ça va ayo حجة c'est ça la base du mot là ouais mais là il y a un fait là maintenant انت حججت انت حججت Antuma, Hajjajtouma. Antum. Hajjajtoum. Bess. Fakat. Ah ouais. Hajjajtoum, Hadalium. Naam. Hadalham. Hadalham. Hum. Yabdouli. Aya. Ednahum. C'est assez dit d'un hal. Hajjajtoum. Là, il n'y a pas besoin de faire un Hajjajtoum. Tu le laisses comme il est. Tu ajoutes juste le domaine. Hajjajtoum. C'est quoi le verbe? Hajja. Hajja. Tu ajoutes quoi à la fin? Hajjajtoum. Tu rajoutes quoi à la fin? Je sais pas ça. Houm, c'est quoi le damir qui vient à Houm lorsqu'il y a un film d'Aria? Houm? Houm, mais c'est l'end, ma alfir zahaba, qu'est-ce que tu as dit? Zahabu. Khalas. Houm? Hajju. Aïwa, fakat. Hajju, Hajju. Yabdouli, enna Houm, Hajju, Hadal Am. Ah bah. طيب وفي البيت ستعمل الثامن والسابع السابع سيملى الفراغات في الجمل الآتية سنتشوفر لي ترو دو توا ميم يقول الرياضة لصحة الإنسان الرياضة لصحة الإنسان le sport pour le sport pour la santé de l'homme. Numarisu ar-riyada likay nous pratiquons le sport pour pouvoir tu mets la suite. Adam mumarasati ar-riyada sababun fi le fait de ne pas pratiquer de sport est une cause pour tu mets la suite. Ou dans idha tarakta mumarasati ar-riyada tu mets la suite. Si tu délaisses la pratique du sport Inna al-marid yashku da'iman que le malade se plaint constamment de tu mets la suite. Wa thamin yaqul istamil kull kalimat min kalimat taliya fi jumlatin mufida. Utilise les mots suivants dans les phrases mufida. At-taharruk thiqal Yenahadou. Yenahadou, Yenahadou, c'est le verbe de Naha, de Nuhud. Donc c'est le verbe là. Salim, Fahasa, Yabdou, Amrun, Alaqatun. Ou Alikan Tura, Aya, Al-Harakat. Les Harakat à la fin des mots. Je les laisse. De toute façon, il n'y a que Amrun, Alaqatun, Salimun, Sikalun, ou Taharruku. Ils sont tous marfou. نفهم هذا؟ فنقفنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك